Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler avec notre ami François Paquette. Il y a plusieurs actualités dans le monde du sport. Hier, c'est le retour de Tom Brady. C'était le retour également de... On a eu une après-midi complètement folle. On parle aussi de Samuel Motembeau qui a été réclamé par le Canadien avec notre ami François Paquette. Salut François! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. François, quel week-end il y a! Quel après-midi de baseball! J'ai vu ça dimanche à 3h. Et quelle idée du baseball majeur, hein? De mettre tous les matchs en même temps. C'est extraordinaire cette idée-là. Ouais, puis je pense que plusieurs ligues qui ont adopté le format de la NFL fait la même chose le dernier dimanche, le baseball aussi, parce que tu veux t'assurer que tout le monde va jouer de la bonne façon. Ça te permet à tout le monde également de regarder un peu ce qui se passe dans les autres matchs en même temps. Puis c'était fascinant. Hier, je pense que la dernière fois où on avait eu une soirée ou disons une journée aussi spectaculaire, c'est en 2011, quand il y avait eu justement 3-4 équipes qui pouvaient se classer puis arriver toutes sortes de choses. Puis hier, ben écoute, je te dirais que peut-être aux alentours de 5h, 5h30, ça allait encore bien pour les partisans des Jays, parce que tu savais que les Jays allaient gagner. Les Mariners étaient en train de perdre. Les Red Sox étaient en train de perdre. Puis c'était 0-0 à New York. Alors, les chances étaient très bonnes de se classer. Puis finalement, avec tout ce qui est arrivé, c'était les Nationals, je pense que les Jays étaient déçus un peu, mais les Nationals n'ont tellement pas de relève qu'il fallait presque s'y attendre un peu. Puis je pense que... Mais la relève des Red Sox était très hypothéquée aussi, là. Oh oui, puis écoute, Chris Sale n'a pas très bien lancé, puis heureusement qu'ils avaient quelques partants qui pouvaient venir leur donner un coup de pouce, parce que Pivetta, Rodriguez ont lancé dans ce match-là, des gars qui étaient des lanceurs partants. Puis tu sais, je regardais Rays Yankees, moi je pense que si le match avait eu de l'importance pour les Rays, on n'aurait jamais affronté Aaron Judge avec le premier but inoccupé, on se serait arrangé pour affronter Stanton pour essayer de le retirer au bâton, mais tu sais comme moi, quand il faut que tu fies sur les autres pour passer, c'est souvent ce qui arrive. Fait que c'est pour ça que c'est un peu décevant pour les Blue Jays de gagner 91 matchs puis de se retrouver en vacances aujourd'hui. Là, j'avais la statistique, puis ça fait exprès parce que Facebook est en panne. Donc, j'avais vu ça sur Facebook. J'avais partagé la statistique de Sportsnet a présenté. Ils ne cherchaient pas de midi à 14h pourquoi les Blue Jays ne sont pas en série. Là. Tim Ancid, l'émission de Sportsnet, a mis la statistique de Dunedin. Les Jays à Dunedin, les Jays à Buffalo, les Jays à Toronto. C'est même pas comparable, la fiche des Blue Jays. Je pense qu'ils jouent à peine pour 500 à Dunedin et à... Oui, c'est ça, et à Buffalo. Et ils jouent pour 24 ou 25 victoires, 11 défaites à Toronto. Je ne sais pas de midi à 14h pourquoi cette équipe-là est pas en série. Là. Ça l'a joué. Là. L'histoire d'avoir trois domiciles, là, ça l'a joué. Je suis certain que ça a joué sur le moral des trois, puis... Je pense que, tu sais, rappelle-toi combien de matchs les Jays ont échappé en mai, juin, quand tu avais des Dolis, puis des Thornton, puis des gars qui faisaient pas le travail, puis avant qu'on fasse des acquisitions, on a perdu plusieurs matchs. Puis il y a un match que je me rappelle, moi, c'est contre les Tigers de Détroit, fin août, début septembre, dernier jeu, tu penses que c'est le dernier jeu du match, un roulé à Marcus Semien, un petit relais de routine à Guerrero, puis finalement le relais fait un bond, la balle échappe à Guerrero, puis au lieu que le match soit terminé, les Tigers créent l'égalité puis gagnent le match. Moi, c'est ce match-là qui me venait en tête tout de suite en disant il y a tellement de petits détails comme ça qui font la différence quand tu arrives à la fin de la saison. Mais c'est sûr que le calendrier était éprouvant. On s'est trouvé dans une situation où tu joues dans trois domiciles, dans deux pays, puis ça faisait pas de sens. Puis tu sais, il y a des gens qui faisaient un peu le parallèle avec Montréal, mais c'est un peu différent parce que dans le sens où on serait un peu mieux encadré, mais c'est certain que ça démontre quand même que, comme les Expos à l'époque à Porto Rico, que c'est très difficile sur le moral des joueurs, sur le moral des familles, quand tu dois partager ton domicile entre deux ou trois enfants. On ne saura jamais le nombre de victoires que ça a coûté, mais juste avoir la statistique, on sait que ça a joué. Fait que Et aussi, la relève. La relève n'a pas fait le travail. Et tu sais, j'en parlais justement avec Roger vendredi, François. Et tu sais, en septembre, on gagne pas de championnat, mais on en perd. Pas en septembre, en avril et en mai. Et c'est au moins 10 à 15 défaites que la relève nous a coûté en début de saison. Facilement. C'est incroyable quand tu pensais ça, parce que dis-toi juste deux ou trois victoires de plus, puis t'es en business, t'es celui qui accueille le match du Wild Card. Puis honnêtement, si tu joues du meilleur baseball dans ces mois-là, t'es peut-être en train de talonner les Rays ou peut-être même les dépasser. Et c'est ça qui est un peu agaçant. Puis moi, ce qui me tracasse, je pense que les Jays vont être encore bons, très bons l'année prochaine, mais quand même, tu sais, Semien devient agent libre, je pense pas qu'il va revenir à Toronto, il veut jouer à l'arrêt court. Il va coûter une fortune. Robbie Ray, il va coûter très, très cher parce que c'est probablement lui qui va gagner le trophée Cy Young. Et il y a plein de petits détails comme ça que tu dis, tu sais, si l'année prochaine, Ryu ne retrouve pas sa forme, puis que tu as une blessure inattendue dans ta rotation, les choses peuvent changer très, très rapidement. Alors, c'est pour ça que je trouve ça décevant cette année, que tu n'as pas la chance, au moins, de toucher au match numéro 12e, ou même un match 163 lundi. Ça aurait été, ouais, je pense, juste bon pour le spectacle, bon pour l'expérience et tout ça. Alors, c'est pour ça que je trouve ça un peu décevant, mais écoute, cet alignement-là va être bon encore pour quelques années, mais quand tout le monde va vouloir passer à la caisse, c'est sûr que les Jays ressembleront pas à ça dans 5 ou 6 ans parce que tu vas avoir trop de monde à payer, mais ils ont un groupe de joueurs tellement talentueux que tu te dis, ce qu'on a fait cette année, on risque d'être capable offensivement de le répéter l'an prochain et peut-être même d'en faire encore plus. Donc, l'avenir est quand même très prometteur pour les Jays. Tu as le jeune Gabriel Moreno derrière le marbre qui va améliorer nettement. Je pense qu'il va être prêt l'an prochain. Qui devrait améliorer considérablement. C'est un des bons receveurs. C'est le meilleur prospect des Blue Jays actuellement. Mais c'est la relève. Il va falloir que t'entoures Romano. Je pense que Nate Pearson va devenir un releveur. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Il a lancé en fin d'année. Je pense que c'est lui qui n'est pas d'accord avec ça. Sauf que je pense que Pearson veut être un lanceur partant. Mais ouais, moi aussi, je trouve que les qualités d'un releveur. Puis j'ai hâte de voir aussi, tu sais, il y a certains espoirs. On a parlé souvent ensemble d'Otto Lopez, mais Jordan Groshen, ouais, qui est un très bon joueur d'avant-champ, qu'on voit vraiment dans cette équipe-là. Puis je pense aussi que les Jays ont quand même entre leurs mains peut-être un ou deux joueurs. Je pense souvent à Randall Grichuk, là, parce que je pense que Grichuk veut vraiment quitter Toronto. La façon dont il a été utilisé dans le dernier mois, là, c'était presque scandaleux. Dans le match d'hier, en troisième manche, on a un frappeur suppléant à sa place. On parle quand même d'un gars qui peut frapper 25-30 circuits, puis je sais qu'il était dans une mauvaise séquence, mais des gars comme Grichuk, puis peut-être des gars qui ont des salaires un petit peu trop hauts pour ce qu'ils vont donner. Il y a peut-être des gars qui vont pouvoir échanger, mais il y a des gars comme Berrios et Hernandez aussi qui vont passer à la caisse parce qu'eux ont droit à l'arbitrage. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Mais tu dis, est-ce que Moreno, l'an prochain, peut être meilleur que tes trois qui sont déjà là? Est-ce que Groshen peut jouer sur une base régulière à l'avant-champ? Est-ce que c'est Kevin Picchio qui peut finalement devenir le joueur qu'on espère? Il y a beaucoup de questions, et c'est probablement juste au camp d'entraînement l'année prochaine qu'on va commencer à avoir des réponses. OK. Donc, on pourrait en parler longtemps, mais là, je veux te parler du retour de Tom Brady hier à Foxborough. Côté football, ça n'a pas été un grand match. C'est sûr que la pluie a joué beaucoup. Écoute, on voyait Brady nerveux, hein? Et avec, je sais pas si t'as remarqué ça? La nervosité, la température, le gars qui veut en faire des fois un petit peu trop. Écoute, les chiffres n'étaient pas extraordinaires non plus. Ça a pas été une grande, grande soirée pour Brady. Moi, je dirais pas ma déception, mais quand j'ai vu le quatrième jeu et 3 en fin de match, moi, sincèrement, j'y aurais été du côté des Pats parce que Nick Foles, 56 verges dans la pluie, je me disais, c'est quoi les chances? Je pense qu'il y a plus de chances de réussir ton 4e et 3. Puis je me disais, même si Foles réussit son placement, tu laissais 55 secondes au tableau pour Brady pour aller rechercher 3 points. Je trouvais que les chances n'étaient pas de ton côté, mais je t'avoue une chose, Annie, moi, je pensais qu'à la demi, ce match-là serait presque fini. Je m'attendais à ce que ce soit 21-6 à la demi, puis que ce soit presque un match à sens unique, mais la défense des Patriotes a démontré de très belles choses. Je pense que Bill Belichick a démontré encore que ses plans de match étaient toujours bien faits par rapport à son adversaire, mais tu sais, offensivement, même si Mac Jones a très bien joué, tu vois que c'est une équipe tellement limitée en attaque, autant au sol que par la passe. Moi, souvent, je pense que les passes de 2021 peuvent battre presque tout le monde parce qu'ils ont une très bonne défensive, mais peuvent se faire battre par absolument tout le monde parce qu'ils n'ont pas d'attaque. C'est un club qui est un peu énigmatique, mais tu dis, écoute, le genre de match que tu as joué, tu méritais presque de gagner. Mais en bout de ligne, c'est Brady qui a eu le dernier mot, même si c'est vraiment pas lui qui a été le joueur le plus utile. J'ai écouté un podcast cette semaine, puis le gars disait que c'est probablement la dernière année de Bill Belichick en Nouvelle-Angleterre. Est-ce que tu y crois? Pas sûr. Mais moi, je suis pas convaincu de ça parce que j'ai l'impression que Bill Belichick n'a pas le terre d'un gars qui a le goût de s'en aller. Lui, sa vie, écoute, sa vie, c'est le football. Son père était coach de football. Il mange de ça depuis qu'il est jeune. Son gars, Steve, est rendu là aussi avec eux autres. Je pense, il ne donne pas l'impression d'un gars qui veut s'en aller. Mais il est à 50 victoires, par exemple. Est-ce que tu penses qu'il pourrait s'en aller vers une équipe qui a plus de chances de gagner? Il est à 60 victoires dans le chou, là, je pense. Fait que, tu sais, il reste plus grand temps. Je pense. Non, ça, c'est ça. Puis on s'entend que pour les Pats, là, dans les années à venir, tu ne t'attends pas à gagner 12-13 matchs par année non plus. Donc, non. Moi, je serais. Écoute, si lui veut partir, peut-être, mais encore là, je veux dire, sauf erreur, il va avoir 70 ans, hein, Bill Belichick, dans les prochains mois. Il t'en reste pas nécessairement très, très long non plus. Moi, j'ai l'impression que ça va se terminer à Foxborough. Peu importe qu'il soit proche ou non de Don Shula, mais c'est de voir, tu sais, je pense que la passion est encore là. Le bonhomme n'a pas changé, mais pas de miette depuis qu'il est arrivé. Mais ça reste que c'est un très bon coach que je trouve parfois un peu borné dans certaines situations. Mais quand tu as autant de bacs du Super Bowl, c'est dur de le critiquer. Mais je trouve, c'est sûr qu'il doit y avoir des journées où c'est plus dur. Puis, tu sais, si les Pats se retrouvent à, je sais pas, le 2-6, 2-7 en milieu de saison, peut-être avoir une réflexion à faire aussi sur vers où on s'en va. Mais je trouve que les Pats sont quand même pas une vilaine équipe, mais je trouve qu'offensivement, c'est très, très, très pénible malgré toutes les signatures de receveurs de passes, de tight end, de tout ce qu'on a voulu améliorer. Ça reste un club très fragile à la fin. Mais, tu sais, auparavant, il nous sortait un nom du chapeau que personne connaissait, puis qui jouait, tu sais, les Amendola, les LeGarrette Blount, tu sais, les Chris Hogan, les Wes Walker, qui était pas une, tu sais, qui s'est bien débrouillé, mais ailleurs, c'était très difficile. Tu sais, c'était souvent ça, les Patriots, mais ça marche plus, là. Cette magie-là ne marche plus. Et c'est sûr que quand t'as Tom Brady, ça aide aussi à faire sortir un gars de notre chapeau aussi. Oh, c'est sûr que les Pats, je pense, ont encore la plus longue séquence d'avoir au moins un joueur non repêché dans leur alignement. Mais le problème cette année, c'est que c'était un botteur réserviste là, qui avait réussi à se classer. C'était pas un joueur d'impact. Mm. Mais c'est vrai je pense que dans les années, début des années 2000, j'ai reçu plusieurs transactions qui, au départ, avaient l'air anodines. Mais quand tu jouais avec Tom Brady, bien, il transformait certains joueurs moyens en très bons joueurs ou en très bons receveurs. Puis ça, je trouvais que ça changeait la donne. Mais, tu sais, moi, après le premier match de la saison, je me disais, il faut vraiment modérer nos attentes par rapport à Jones et aux Pats. Puis là, on dirait que le deuxième match contre les Jets, ils avaient tellement bien joué que peut-être qu'on est meilleur que ce qu'on pense. Puis finalement, le troisième match contre Nouvelle-Orléans a ramené tout le monde sur la terre. Puis même s'ils auraient pu gagner le match contre les Bucks, tu reviens quand même sur terre en disant, ça reste un match qu'on n'a pas joué un grand, grand match en attaque. Puis peu, veut pas, tu es en train de te dire que non seulement tu ne rattraperas pas les Bills dans ta division, mais d'aller en série, ça devient presque impossible en disant que tu es déjà 0-3 à la maison. Il faut que tu gagnes habituellement 6-7 matchs par année pour avoir une chance de participer aux séries. Je pense que la tâche est déjà très, très, très difficile pour cette année. Il va falloir déjà commencer à préparer l'an prochain très bientôt si on ne gagne pas dans les deux prochaines semaines. Aussi, bon, les Cards de l'Arizona, en termes de football, c'était le meilleur match de la fin de semaine. Les Cards de l'Arizona ont envoyé un moyen message, je pense, en battant les Rams à Los Angeles. Moi, je pense, en tout cas. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que moi, sincèrement, je ne croyais pas beaucoup parce que les Rams, quand ils ont battu les Bucks la semaine passée, on s'est dit, c'est un beau message qu'ils lancent. Ils avaient déjà une des très bonnes défensives de la NFL. Puis quand tu as amené Matthew Stafford comme quart au lieu de Jared Goff, tu dis, attends un petit peu, ça commence à être une des très bonnes attaques aussi. Fait que quand je les ai vus battre les Bucks la semaine passée, moi, je me disais, non, les Cards, même s'ils jouent du bon football, je pense pas qu'il y ait à Los Angeles pour battre les Rams. Puis non seulement ils les ont battus, mais je veux dire, ils ont mis quoi, plus que 40 points sur la défensive des Rams. Kyler Murray, qui, pour les gens qui ne le savent pas, a été un choix de première ronde aussi des A's d'Oakland au baseball. C'est un gars qui est très, très athlétique. Ouais. Et oui, dixième au total de la première ronde. Puis lui, s'il pouvait, il jouerait les deux sports, mais il peut pas. Mais écoute, ce gars-là est tellement athlétique, tellement spectaculaire. Puis quelques petites acquisitions qu'on a faites, c'est des J.J. Watt, puis des gars comme ça qu'on a rajouté à la défensive, un petit peu d'expérience chez les receveurs de passe. Puis J'ai hâte de voir parce que c'est la division la plus forte de la NFL et de loin, ouais, avec San Francisco et Seattle. Mais les Cards jusqu'ici sont très, très, très impressionnants. Puis, faut pas que tu oublies qu'avec la nouvelle formule de la NFL, avec 7 équipes par conférence qui participent aux séries, il y a un seul bail maintenant qui se donne. Alors ça va être très important pour les séries. Puis j'ai l'impression que le bail viendra peut-être pas nécessairement de cette division-là, parce que tout le monde va battre tout le monde dans la division à un certain moment donné. Mais vraiment, là, hier, c'était, en anglais, on dit un statement. Ah, c'est arrivé, tu fais vraiment une déclaration qu'on est un vrai club qui veut aspirer au Super Bowl. Mais c'est exactement ce que les Cards ont fait hier à Los Angeles. Hey, en terminant, Samuel Motombo, qui a été repêché par le Canadien, pris au balotage. Moi, je pense que quelque part, c'est une question que Carey Price ne sera pas prêt. Hein. Ça, je pense que c'est clair. Puis Dominique Ducharme, dans les dernières heures, c'est clair que je pense que pour le début de la saison, la semaine prochaine, on oublie ça. Mais on ne s'attend pas à ce que ce soit une absence très prolongée. Non. Je pense que tu vas être d'accord avec moi que Jake Allen, pour une certaine période, peut faire le travail. Mais ça donne vraiment l'impression qu'on n'était pas à l'aise avec Kaden Primeau comme réserviste. Et Primeau a bien fait en fin de semaine, samedi. Il a été très bon dans la victoire contre les Sénateurs. Mais tu veux encore qu'il joue la plupart des matchs dans la Ligue américaine. Samuel Montembeau n'est certainement pas un sauveur, certainement pas un numéro un dans la Ligue nationale. Mais je pense que comme réserviste, il peut faire un boulot, que tu lui demandes un départ par semaine ou par deux semaines, il va te donner ce que tu as besoin. Moi, je suis très à l'aise avec ça, mais je pense que ça nous laisse quand même un message comme quoi il y a quelque chose, pas qui cloche, mais qui pourrait inquiéter ou qui pourrait faire en sorte que l'absence de Price soit un petit peu plus prolongée que prévu. Alors, on n'a pas voulu prendre de chance. Je pense que c'est un bon mot de la part du Canada. Okay. François, un gros merci. Au plaisir de se reparler très, très bientôt. Salut, Danny. Notre ami François Paquet.